Bonjour à tous pour ce 10e épisode du Costin Critique. Aujourd'hui, on s'envole pour les étoiles pour une saga bien crade. Allons-y. Clad Vanilla. Ce nom devrait vous rappeler quelque chose. C'est la série audio sortie par Antoine Daniel et Wendo fin 2017, et aussi la première série audio que j'ai écoutée et qui m'a plongé la tête la première dans cet univers. Clan Vanilla est donc une série de science-fiction se passant à une époque où l'humanité est assez développée pour avoir pu visiter d'autres planètes et rencontrer d'autres espèces aliens intelligentes. Nous commençons la série avec un flashback de notre personnage principal, Clan Vanilla, laissant apparaître un début d'intrigue qui ne sera pas vraiment suivi dans la série. Après cette séquence, on retourne dans le présent de la série audio, où l'on voit Clyde sur un vaisseau cargo. Ledit vaisseau sera attaqué par l'espèce de gouvernement de l'univers, le Consortium, ce qui poussera Clyde à fuir à bord de son nouveau vaisseau, Brodog. Ah, ce pitch est beaucoup trop sérieux par rapport au reste de la série. Effectivement, cette série est une série comique et assez déjantée. L'univers futuriste n'est qu'une excuse pour les esprits déments des créateurs. Après cet événement, Clyde va faire la rencontre d'un petit groupe de personnages tout aussi déjantés que la série, qui l'emmènera, un peu malgré lui, dans une aventure d'une trop grande ampleur. Premièrement, l'humour. Dans Clyde Vanilla, il y a un mélange assez explicite de plusieurs humours. Il y a d'abord un humour majoritairement absurde. Mais pas un humour absurde comme dans 1287, qui est un humour absurde dans les personnages et les péripéties. Mais bien un humour absurde sur les répliques et le peu de lore que nous laisse entrevoir la série. Pour ceux qui ne le savent pas, un lore est une sorte d'univers étendu. Ce sont des éléments qui ne sont pas ou implicitement cités dans la série, mais qui sont quand même présents. C'est essentiel quand on veut faire plusieurs œuvres sur un même univers, pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Pour exemple, il y a le lore de James Rico, la série de Audiodidact Productions. Et donc cet humour, qui se retrouve dans ces éléments, est assez spécial, et aussi très différent de ce que nous a fait voir Antoine Daniel dans son émission What the Cut, qui était un savant mélange d'absurde, de contexte et de réplique. Après l'absurde, on a un humour très impactant, des punchlines bien crades, mais crades dans tous les sens du terme. Je vous laisserai découvrir ça dans la série. Ensuite, on observe un humour de personnages. Je sais pas trop comment l'expliquer. En gros, les personnages sont tous très hauts en couleur et ont une personnalité propre. Les créateurs ont veillé à ce qu'ils se complètent à la perfection. Les défauts de chacun sont accentués à outrance, comme dans une caricature. Particulièrement pour Clyde, qui est l'archétype du personnage de série audio qui passe son temps à décrire où il se trouve. Ça renforce alors les possibilités de faire les punchlines citées plus haut. Ces deux humours réunis forment un comique de répétition assez présent pour renforcer les gags, mais pas pour faire tenir toute la saga sur ça. Ensuite, j'ai remarqué que la chose qui me faisait le plus rire, c'était l'irrespect des classes sociales, comme les dialogues avec le général Olista, l'antagoniste. Ce qui est considérablement augmenté par le manque de tact collectif qu'usent les personnages et ceux qu'importe le statut de leur interlocuteur. Sauf quand ça renforce l'absurdité, comme avec l'épisode avec Branlouis. L'ambiance de Clyde Vanilla est assez particulière selon les épisodes. Il y a une véritable diversité là-dedans. De l'épisode sur Pourriture 4 à l'épisode sur P51, quasi tous les codes de l'ambiance se retrouvent changés, renforçant l'aspect cynique de chaque épisode et mettant en scène les personnages de plein de façons différentes. L'histoire et le scénario, quant à eux, sont très bien ficelés. La narration est plutôt propre et les événements arrivent naturellement. On sent que l'univers est travaillé, même s'il est éclipsé par le reste de l'histoire. Les créateurs se permettent même de laisser quelques énigmes ici et là. Par exemple, dans l'épisode 1, Clyde cite l'URL d'une vidéo YouTube. Je vous laisse faire vos recherches. Chaque épisode se passe dans un lieu différent et chaque événement vient un peu d'une sorte de réaction en chaîne. A chaque fois, c'est un problème qui se rajoute à un autre, faisant évoluer les personnages dans l'univers. Enfin, évoluer n'est pas vraiment le bon mot. L'histoire évolue et les personnages non, à part Clyde, car c'est le personnage principal. Mais les autres restent bien ancrés du début à la fin, ce qui contraste avec Clyde, justement. La majorité des voix sont faites par Antoine Daniel et Wendo, qui sont tous les deux de bons comédiens. Clyde est par exemple joué par Wendo, Branlouis par Antoine, on retrouve aussi Nekaos, Sarah Cotan, Guillaume Reis, et aussi Alexis Domastian, qui est doubleur professionnel, qui a doublé par exemple Martin dans Martin Mystère et Fry dans Futurama. Bref, de bons acteurs. De plus, il y a la musique composée par Antoine Daniel, qui au-delà d'être facilement écoutable en dehors de la saga, apporte un plus conséquent dans la compréhension de la saga et l'ambiance. Antoine a composé des musiques prenantes et très diverses pour bien apprécier la série audio. Je vous conseille d'y faire attention dans votre écoute. Malheureusement, les créateurs ont eu un petit problème au démarrage. Effectivement, l'épisode 1 n'est pas très bien rythmé et ne représente absolument pas le reste de la série. Je pense que c'est sûrement lié au manque des autres personnages principaux dans celui-ci. Il est, ceci dit, essentiel pour bien comprendre le reste de la série. C'est à partir de l'épisode 2 que tout ce que j'ai dit se concrétise vraiment. Est-ce que je vous conseille Clyde Vanilla ? Eh bien oui. Je considère que c'est une saga comique originale et qui est très bien travaillée. Elle a quelques défauts mais reste globalement cool. Elle a un humour propre à elle-même sans être dépaysageant. Merci à tous d'avoir écouté ce 10e épisode du Costin Critique, malgré le temps qu'il aura pris. Maintenant, il faut qu'on parle de quelques changements. YouTube a décidé de monétiser toutes ses vidéos, même si la personne n'a pas 1000 abonnés, et donc ne peut pas recevoir d'argent, comme dans mon cas. Ça veut dire que YouTube gagnera de l'argent sur mon travail, et que moi pas. J'ai décidé alors de ne plus poster de podcast sur YouTube, celui-ci étant le dernier. Mais les vidéos, quant à elles, resteront sur YouTube, car je n'ai pas trouvé d'alternative qui me convienne. Et j'ai envie, à côté de mes activités podcastiques, de continuer à travailler l'audiovisuel. Je rappelle que j'ai un Twitter et un Instagram, si vous voulez suivre mes autres participations et créations qui ne sont pas forcément sur YouTube et mes plateformes de podcast. Ah oui, d'ailleurs. Je suis désormais disponible sur Spotify et Deezer, ceux qui me suivaient déjà le savent d'ailleurs. Enfin bref, je vous fais des bisous et vous dis à la prochaine !